Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémezo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 27 novembre, nous souhaitons une bonne fête aux Séverins, ça vient du latin grave, sérieux. Séverin est un homme contradictoire car des vibrations dualitaires le caractérisent. Ainsi le 1, tendance masculine, égocentrique, active et indépendante, lui confère une apparente confiance en lui, une allure fière et altière, un besoin d'être admiré et regardé. Et le 2, tendance plus passive et dépendante, à l'écoute des autres et particulièrement sensible. Cette bizarre alchimie le rend souvent insaisissable et complexe. Il oscille d'une tendance à une autre sans véritable transition. Quand nous pensons trouver Séverin fort, responsable, sûr de lui, celui qui décide sans rien demander aux autres, nous sommes quelquefois surpris de nous trouver face à un être vulnérable, hésitant et qui doute. Seulement, il ne dévoile cette deuxième facette qu'à ses proches, la fierté et l'orgueil lui interdisant de montrer ses failles si minimes soit-elle. S'il vit les vibrations de son maître nombre, Séverin aura un idéal élevé et pourra aisément se montrer tel qu'il se voudrait. Il aura même un certain ascendant sur autrui, d'autant qu'il saura se comporter à la fois de manière bienveillante et rassurante. C'est souvent dans la création et l'essence humaine qu'il brillera. Intuition, imagination, sensibilité coexisteront au mieux avec distinction, idéalisme et perfection. Certes, si cela lui permet d'accéder à de hauts sommets, ce ne sera ni sans mal, ni sans tension nerveuse excessive. Cependant, Séverin peut aussi vivre ses vibrations une octave au-dessous, c'est-à-dire au niveau du 2, et se satisfaire d'une vie plus tranquille, plus sécurisante, orientée vers la collaboration ou l'association, par exemple, qui lui demandera moins d'efforts personnels. Quoi qu'il en soit, c'est un homme sociable, communicatif, sensible, serviable, et qui possède un grand sens de l'amitié. Dicton du jour, étoile filante en septembre, tonneau petit en novembre. Célébration internationale aujourd'hui en Espagne, c'est la fête des professeurs. Et dans les événements qui se sont déroulés un 27 novembre en 1826, c'était l'invention des allumettes à friction par John Walker. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec le groupe Simple Minds et leur titre « Don't you forget about me ». My way, you never love me. Rain keeps falling, rain keeps falling. Simple Minds sur RGM. Presque 8h38, on parle anniversaire avec tous ceux qui sont nés à 27 novembre 1935. Naissance d'Aldo Maccione, acteur italien, vu dans Le Voyou, L'Aventure c'est l'aventure dans le rôle d'Aldo. Mais où est donc passée la 7e compagnie dans le rôle de Tassin ou encore L'Animal dans le rôle de Sergio Campanès. 1941, naissance d'Aimé Jacquet, ancien joueur entraîneur de foot français qui a fait sa carrière de joueur de 1960 à 1975 en jouant à Saint-Étienne et à l'Olympique Lyonnais. Et oui, c'est possible de jouer pour ces deux équipes à la suite. Il est entraîneur de 1976 à 1998, tout d'abord de l'équipe de Lyon, ensuite de Bordeaux, de Montpellier, de Nancy. Et il a été sélectionneur de l'équipe de France de 1993 à 1998, on s'en souvient, puisque c'est notamment grâce à lui que la France a remporté sa première Coupe du monde. 3-0, hein, on le rappelle, si des fois il y en a qui avaient perdu la mémoire. 1949, naissance de Gerrit Graham, acteur américain connu pour son rôle de Norman Panko dans la série télé Parker Lewis ne perd jamais. 1951, naissance de Catherine Bigelow, réalisatrice, productrice et scénariste américaine, à qui l'on doit Aux frontières de l'aube, Point Break ou encore Des mineurs, récompensés par les Oscars du meilleur film et de la meilleure réalisation. 1953, naissance de Curtis Armstrong, acteur américain connu pour son rôle d'Herbert Quentin Viola dans la série télé Claire de Lune, vu également dans Supernatural. 1954, naissance de Patricia McPherson, actrice américaine connue pour son rôle de Bonnie Barstow dans la série télé K2000. C'est également l'année de naissance de Kimmy Robertson, actrice américaine connue pour son rôle de Lucy Moran dans la série télé Twin Peaks. 1951, naissance de William Fichtner, acteur américain vu dans Heat, Armageddon dans le rôle du colonel William Sharp, Pearl Harbor, La chute du Faucon Noir, Independence Day Resurgence, la série télé Prison Break dans le rôle de l'agent du FBI Alexander Mahone, Entourage saison 6 et saison 7 dans le rôle de Phil Yagoda ou encore Crossing Lines dans le rôle de Carl Hickman. 1959, naissance de Charlie Burchill, guitariste et claviériste écossais du groupe Simple Minds. 1961, naissance de Samantha Bond, actrice anglaise, connue pour son rôle de Miss Moneypenny dans GoldenEye. Demain ne meurt jamais, le monde ne suffit pas, meurt un autre jour. Et connue également pour son rôle de Lady Rosamund Penswick dans la série télé Downton Abbey. C'est également l'année de naissance de Steve Odekirk, scénariste américain des films Ace Ventura en Afrique, Le Professeur Folding, Bruce Tout-Puissant ou encore Evan Tout-Puissant. 1964, naissance de Daniel Ducruet, qui fut garde du corps et surtout époux de la princesse Stéphanie de Monaco. 1968, naissance de Michael Vartan, acteur franco-américain, neveu de Sylvie Vartan, vu dans Collège Attitude dans le rôle de Sam Coulson, Columbiana dans le rôle de Danny Delaney, la série Alias dans le rôle de Michael Vaughn, auteur d'infirmière en chef dans le rôle du docteur Thomas Wakefield. 1969, naissance d'Elizabeth Marvel, actrice américaine vue dans Lincoln dans le rôle de Madame Jolie, Jason Bourne l'héritage dans le rôle du docteur Connie Dowd, le psychothérapeute, les séries Washington Police dans le rôle de l'officier Nancy Parras, Person of Interest, Elementary, FBI duo très spécial et depuis 2014 House of Cards dans le rôle d'Heather Dunbar. 1971, naissance de Kirk Acevedo, acteur américain, vu dans La Ligne Rouge, dans le rôle du soldat Tella, Invincible, dans le rôle de Tommy, La Planète des Singes, L'Affrontement, dans le rôle de Carver, la série télé Oz, dans le rôle de Miguel Alvarez, vu également dans Fringe, Mentaliste ou encore Arrow, dans le rôle de Ricardo Diaz. 1973, naissance de Tada Nobu Asano, acteur japonais, connu pour son rôle de Gun dans Thor, Thor le Monde des Ténèbres et Thor Ragnarok. 1976, naissance de Jaleel White, acteur américain, connu pour son rôle de Steve Urkel dans la série La Vie de Famille, vu également dans Doctor House, NCIS, Enquête Spéciale, Hawaii 5-0 ou encore Castle. 1978, naissance de Radek Stepanek, ancien joueur de tennis tchèque, ayant fait carrière de 1996 à 2017. En simple, il a été numéro 8 mondial en 2006, quart de finaliste à Wimbledon, 8e de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à l'US Open et 16e de finaliste à l'Open d'Australie. En double, il a été numéro 4 mondial en 2012. Il a gagné une fois l'Open d'Australie ainsi que l'US Open, demi-finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à Wimbledon. Il compte une médaille de bronze olympique en double mixte et deux Coupes Davis obtenues en 2012 et 2013. 1979, naissance d'Eero Heinonen, bassiste et chanteur finlandais du groupe The Rasmus. 1985, naissance d'Alison Pill, actrice canadienne, vue dans Coup de foudre à Rhode Island dans le rôle de Jane, Harvey Milk dans le rôle d'Anne Cronenberg, ou encore Minuit à Paris dans le rôle de Zelda Fitzgerald. 1987, naissance de Santiago Giraldo, joueur de tennis colombien, professionnel depuis 2004, meilleur classement ATP, la 28e place atteinte en 2014, 16e de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à Wimbledon et 32e de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à l'US Open. 1993, naissance d'Aubrey Peoples, actrice américaine, connue pour son rôle de Lila Grant dans la série télé Nashville. En 8 avant Jésus-Christ, décédé Horace, poète romain. En 511, décédé Clovis, roi des Francs de 481 à 511. En 1895, décédé Alexandre Dumas, fils, écrivain français, connu pour son roman La Dame aux Camélias, ainsi que pour ses deux pièces de théâtre, Le Fils Naturel et Un Père Prodigue. En 1985, décédé André Hunebelle, réalisateur français des films Le Bossu, OSS 117, Se déchaîne ou encore la trilogie des Fantomas. En 1986, décédé Steve Tracy, acteur américain, connu pour son rôle de Percival Dalton dans la série télé La Petite Maison dans la Prairie. En 1990, décédé David White, acteur américain, connu pour son rôle d'Alfred Tate dans la série télé Ma Sorcière Bien-Aimée. En 1998, décédé Barbara Acklin, chanteuse américaine. Et enfin, en 2010, décédé Irvin Kershner, réalisateur américain de Star Wars épisode 5, L'Empire contre-attaque, ou encore de Robocop 2. Allez, petite pause, ça va nous faire du bien. Je vais reprendre mon souffle avec The Rasmus et leur tube In the Shadows. Mmh. In the Shadows, le groupe The Rasmus sur le 107FM. Il est un petit peu plus de 8h48 et on passe maintenant eh bien, à la météo. La météo. Bon, eh bien aujourd'hui, hein, ça va être grisaille, pluie, malheureusement. Des températures comprises entre 3 et 4 degrés ce matin, entre 4 et 5 degrés pour cet après-midi. Mercredi sera encore une journée pluvieuse. Des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin, entre 4 et 5 degrés l'après-midi. Jeudi, ce sera principalement des nuages avec peut-être quelques éclaircies pour jeudi après-midi. Des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin et entre 7 et 8 degrés prévues pour jeudi après-midi. Allez, on fait maintenant un petit point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. En football, en Ligue 2, Metz s'est imposé 1-0 face au GFC Ajaccio. En Coupe de la Ligue, match en retard ce soir pour les 16e de finale entre Nîmes et Saint-Étienne. Il y a également de la Ligue des Champions avec Lyon qui reçoit Manchester City, l'AS Rome qui reçoit le Real Madrid, la Juventus de Turin qui reçoit le club de Valencia ou encore Manchester United qui reçoit le club des Young Boys. Et on termine cette actu avec du basket et les résultats de NBA. L'équipe de Charlotte de Tony Parker et Nicolas Batum s'est imposée 110 à 107 face à Milwaukee. 15 points pour Tony Parker, 7 pour Nicolas Batum. L'équipe de Washington de Miami qui n'a pas joué s'est imposée 135 à 131 après prolongation face à l'équipe de Houston. Boston, elle, s'est imposée face à l'équipe de Nouvelle-Orléans, 107 à 124, aucun point pour le français Yabusele. L'Utah Jazz de Rudy Gobert qui connaît des difficultés hein, cette saison, s'est une nouvelle fois incliné 88 à 121 face à l'équipe d'Indiana, 12 points tout de même pour Rudy Gobert. Et l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier s'est inclinée face aux Golden State Warriors, 116 à 110, 9 points pour le français. Voilà pour l'actualité sportive, hein, petite en ce mardi matin. Le biathlon va bientôt reprendre, donc ça va nous faire des choses à dire hein, dans l'actu sportive. On va donc tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec la chanteuse Barbara Acklin et son titre « Love Makes a Woman ». On se retrouve juste après. Et voilà, c'était Barbara Acklin avec le titre Love Makes a Woman. Et ce titre, eh bien, me rappelle un film. On l'entend dans un film, mais ça ne me revient pas. J'étais en train d'essayer hein, de chercher dans quel film on l'entendait. Mais voilà, je ne le trouve pas. Bon, bah écoutez, hein, c'est pas bien grave. En tout cas, voilà, c'était la dernière pause musicale de cette matinale. Et à 8h54, passé de quelques secondes, eh bien, c'est... le temps pour nous de faire un point sur tout ce qui vous attend aujourd'hui. Alors, à 9h, ce sera la rediffusion de 90 minutes pour Boomerang. 13h30, la rediffusion de Minute Bonheur par Lia. 16h, la rediffusion de Jukebox. 18h, l'heure des loups avec Lou, consacrée au mouvement de la paix. 20h, la parole est à vous avec Michel. 22h, j'ai mis Je vous le lis avec Dominique. Et nous, on se retrouve demain matin. Même heure, même endroit. Excellente journée à tous.